La perception psychologique ou vibratoire d'une forme. Toute perception psychologique est nécessairement aussi égoïque. Cela veut dire que l'ego valorise la forme. Il est plus susceptible à ce moment de se faire astraliser parce qu'il ne peut pas avoir une perception vibratoire et psychique de l'événement en lien avec la forme. L'ego, lorsqu'il a une perception vibratoire, il entre automatiquement dans une étude objective de la forme. La perception de l'ego change en lien avec la vibration qui entre dans celui-ci, car l'esprit est obligatoirement présent dans celui-ci pour que l'ego puisse s'ajuster plus rapidement à ce qui vient à lui. Lorsque la perception psychologique domine la conscience d'une personne en lien avec un événement, il est assuré qu'il y a de la réflexion, qui veut dire que la personne va tout simplement se permettre un commentaire en lien avec l'événement qui naturellement ne sera pas réel au niveau d'une conscience en développement pour accéder à davantage d'informations. Le discours à ce moment est très fermé et il demeure assujetti à ce que l'ego veut bien percevoir en tant que crainte dans sa nature égoïque. On entend par cela qu'il empruntera aussi un discours qui lui permettra de justifier une réalité ou de défendre une réalité. Pour être dans la perception vibratoire et l'étude d'une réalité ou d'un événement, il faut nécessairement que l'ego passe au deuxième étage. Si l'ego ne passe pas au deuxième étage, il est automatiquement prisonnier d'une réalité qui le conditionnera tôt ou tard à donner des valeurs non réelles à ce qu'il vit. Et lorsque l'ego vit une réalité, s'il n'est pas capable d'en faire une étude objective, il ne peut pas transcender ensuite ce qu'il vit d'une manière totalement impersonnelle pour ensuite gravir les échelons de sa liberté individuelle qu'on veut lui cacher derrière un événement. Est-ce que les forces évolutives de l'ego peuvent un jour transcender la forme sans nécessairement la subir? Cela est possible si la perception vibratoire de l'ego avec le réel l'amène à être objectif et à toujours non pas donner de valeur à la forme, mais à questionner d'une autorité absolue ce qui se passe. On ne peut pas rester psychologiquement prisonnier d'une forme trop longtemps parce que cela entraîne systématiquement une coloration de la parole de ce que l'on va dire par la suite. Supposons que vous voulez louer un appartement et que cet appartement-là n'est plus disponible. À ce moment, vous devez savoir que peut-être il y a une opposition qui vous empêche de trouver l'appartement que vous voulez louer, mais vous n'avez pas ensuite à dire « Ah, il y a quelque chose de mieux qui va se présenter ». Car le combat, lorsqu'on est conscient, passe tout de suite au deuxième étage. On n'essaie pas de justifier une forme en y attachant une valeur qui n'est pas réelle. Certes, vous pouvez simplement dire que ce sera mieux plus tard, mais n'achetez pas la forme que cela est nécessairement mieux plus tard, parce qu'il y a peut-être un combat que vous devez mener au niveau des forces de la vie pour arracher à l'invisible votre autorité à laquelle vous avez droit pour ensuite vous soustraire à l'impression que vous n'avez pas le droit de mener la vie que vous voulez. Le combat de l'homme avec les forces de vie est beaucoup plus important que le combat psychologique de l'homme avec son ego pour essayer de défendre une forme qui pourrait ensuite le grandir. Il y aura toujours dans une vie des oppositions. Vous ne pouvez pas arrêter les oppositions, cela est impossible. Toutefois, lorsque la perception vibratoire de votre conscience est absolue en lien avec votre liberté que vous donnez, et non ce que la vie veut bien vous donner, vous allez automatiquement contester l'opposition. Qu'elle soit intelligente ou non, cela n'est pas important, car c'est dans la contestation de ce qui se passe que vous allez trouver votre verbe et établir l'aura d'une conscience qui vous permettra d'être bien dans votre peau malgré l'opposition. On ne peut pas penser que les forces de vie ne vous empêcheront pas de vivre ce que vous voulez vivre. Vous allez toujours avoir à vivre ce que vous avez à vivre, mais si vous ne le vivez pas avec une autorité et que votre perception demeure psychologique, il est certain qu'à ce moment, vous n'aurez jamais la capacité de contester quoi que ce soit dans le futur, et cela veut dire que vous attachez possiblement des valeurs spirituelles à votre vie. Ces valeurs spirituelles sont celles-ci. C'est que vous pensez que la vie doit être plus grande que vous, alors que la vie ne doit pas être plus grande que vous. La vie, en réalité, c'est des oppositions, et lorsque l'on comprend que les oppositions viennent toujours des plans invisibles en lien avec l'évolution de votre conscience, vous comprenez que vous devez contester avec une très grande colère et une très grande haine ce qui se passe sur les plans pour vous empêcher d'être libre à la mesure de votre sensibilité, selon ce que vous vous établissez et non selon ce que la lumière veut bien vous permettre de vivre en tant que conscience libre. La perception psychologique a ceci de très bancal, c'est qu'elle amène toujours l'ego à se réfléchir et à se donner des réponses qui le contraignent tôt ou tard à reconnaître qu'il se compte un mensonge. Comment peut-on reconnaître une perception psychologique? Cela est simple. L'ego est très impliqué dans la forme, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable de passer au deuxième étage et demander automatiquement « Mais qu'est-ce qui se passe? » Et pourquoi cela se passe-t-il en lien, non pas avec la réponse que vous voulez avoir, mais en lien avec la colère que vous émettez pour dire tout simplement aux forces de vie qui sont responsables des plans évolutifs de la planète Terre, vous comprenez très bien qu'on vous casse les pieds et que cela n'est pas nécessairement ce que vous, vous cherchez à établir. Parce que lorsqu'on vous casse les pieds, cela veut nécessairement dire qu'il y a de l'opposition et que cette opposition doit être amendée car vous n'avez pas, en tant que conscience, à vivre éternellement ces oppositions. Un jour, l'homme ne peut plus accepter les oppositions car sa vie, il doit la mener librement. Et certes, les oppositions seront toujours là, mais il ne les accepte pas, c'est-à-dire qu'il les rejette automatiquement parce qu'il est déjà au deuxième étage en train de se positionner sur la forme et il prendra nécessairement une décision qui sera beaucoup plus grande que s'il analysait la forme d'un point de vue psychologique. D'aller dire à l'homme qu'il ne connaît pas sa liberté réelle, c'est un mensonge. Il y a un moment donné dans la conscience de l'homme, une rencontre avec les forces de vie pour établir que ce qu'il est et ce qu'il entend être doit être respecté sur tous les fronts. Et si cela n'est pas respecté sur tous les fronts, cela implique que l'ego n'a pas encore suffisamment d'autorité pour établir que sa liberté ne doit jamais être contestée. Quand l'ego est psychologique dans la perception de ce qu'il vit, il ne peut pas entrer dans une intelligence infinie. Et l'intelligence infinie, c'est celle de savoir que les plans de la lumière, lorsque eux vivent des oppositions sur les plans invisibles, ils ne sont pas dans une position d'écoute absolue. Ils sont déjà, avant même que la forme arrive, que la révélation de l'opposition se présente à eux dans la contestation absolue parce que cela les enlève de la lumière ou de la vitesse de propulsion pour aller chercher dans des mondes infinis la plus grande des vibrations qui est celle pour eux de la liberté de création. Et si l'homme est si différent de la lumière, cela est simplement parce que dans un ego incarné dans une âme, on lui a insufflé la pensée que l'homme était petit devant l'invisible et qu'il ne pouvait pas un jour être aussi grand que ses créateurs. Cette réalité doit être amendée et le sera parce que l'homme qui est dans une contestation absolue en lien avec l'invisible n'achète aucun scénario. Il conteste tout parce que la vibration de sa perception de la vie de l'homme repose sur des lois très précises. Sa liberté ne peut pas être plus petite que celle que lui voit. Elle doit être toujours dans une totale expansion aussi grande que son verbe, et son verbe est ce que lui dit à la lumière et ce qu'il dicte à la lumière. En ce sens, le positionnement psychologique de l'ego n'est pas réel dans la mesure que quand un ego entre dans une contestation vibratoire, il n'a plus de psychologie qui soutient ou qui devient un apport à son verbe. Et quand son verbe entre dans un feu absolu, il est libre de dire ce qu'il a à dire et il n'achètera aucun scénario parce que sa liberté, c'est la plus grande des conquêtes qu'il doit faire sur la terre. Si la lumière demande un jour à habiter cette terre, elle ne pourra pas le faire sur le dos de l'homme. La perception psychologique de l'homme en lien avec des événements est une implication beaucoup plus profonde que ce que pense l'homme en lien avec son ego et les mémoires de l'homme imposées à cet ego pour le soustraire dans sa parole à une conquête absolue d'un verbe qui ne se résonne d'aucune façon dans l'astral, mais qui monte directement sur les plans invisibles pour établir et constituer le devenir d'une conscience libre. Une conscience libre veut dire que l'homme n'a pas à interpréter ce qu'il vit, mais à être dans une vibration absolue pour aligner sa vibration et dire à la lumière que ce qu'il vit et que ce qu'ils ont décidé en tant qu'événement est une pièce de théâtre infâme et que si celle-ci ne change pas, il changera lui-même la contestation de son verbe pour établir dans une haine absolue que la lumière ne doit pas, dans aucune façon, penser qu'elle est plus grande que l'homme. Certes, la lumière ne pense pas ainsi. Si je demande aux forces de la lumière, pourquoi l'homme a-t-il toujours l'impression qu'il vit des oppositions et que ces oppositions l'amènent toujours à vivre de la merde? Et voici ce qu'il répond. L'évolution a toujours été, d'une certaine manière, une capacité de la force de la lumière de retirer à l'homme, dans sa vie personnelle, des libertés. Parce que ces libertés, pendant longtemps, ont été pour l'homme des libertés illusoires. À quel moment est-ce que les forces de la lumière entendent comprendre que les libertés de l'homme, lorsqu'ils sont exprimés, sont conjointement en lien avec des besoins réels? Et les besoins réels de l'homme ne pourront jamais venir des besoins de la lumière de faire évoluer l'homme. Cela est impossible, parce qu'il y a un principe de domination que la lumière n'a jamais franchi. Et les forces de la lumière, voici ce qu'ils disent en lien avec les forces de domination. L'homme peut être dominé dans sa conscience parce qu'il est lui-même assujetti à des forces astrales qu'il ne comprend pas et à des forces égoïques en lui qu'il ne comprend pas. Si l'homme a un verbe qui se développe et qu'il est capable, dans une autorité de conscience, de comprendre aussi les deux pôles d'évolution. Et ces deux pôles sont ceux-ci. Il y a un pôle pour l'âme, afin qu'elle évolue, mais il y a aussi un pôle pour la liberté de l'homme, afin que lui évolue totalement dans une liberté contestataire pour ne jamais s'assujettir à aucun plan d'évolution qui viendra d'extérieur à lui. Et c'est cette rencontre que la lumière veut dans l'homme davantage que de faire évoluer une âme, certes. Et pour en arriver à ce que l'homme ait dans son verbe une contestation de la lumière, non pas pour se réfléchir lui dans son verbe, mais pour établir qu'il est aussi lumière, il faut nécessairement encore des oppositions. Et quand ces oppositions-là deviennent trop lourdes à supporter pour un mental, parce que l'homme, dans une suprématie totale pour interpeller l'invisible en lien avec sa liberté de création, d'une liberté qui ne sera jamais assujettie à aucun mensonge, il faut nécessairement qu'il connaisse très bien ses besoins réels. Et comment peut-il connaître ses besoins réels? C'est lorsque sa paix, aussitôt que sa paix est bousculé par une réalité dans laquelle on veut lui faire vivre de l'âme, il doit nécessairement reconnaître à ce moment que s'il y a de l'âme en lui, cela est nécessaire. Que l'opposition devient nécessaire et qu'elle devient aussi, pour l'ego, un tremplin afin qu'il entre davantage dans son verbe et qu'il arrache aussi sur les remparts d'une liberté qui ne sera jamais retirée sa propre création de vie qui est celle d'établir que mon besoin réel est celui-ci. Vous ne pouvez pas m'enlever ce besoin réel-là parce qu'il est celui que j'établis et qu'il ne doit jamais être inversé d'aucune façon, car sinon, vous ne respectez pas l'homme. Voici la question. Est-ce que la lumière respecte l'homme dans toutes ses conquêtes et son verbe? La réponse est totalement. Et voici ce qu'ils disent. Nous ne pouvons pas amener l'homme là où il ne peut pas aller s'il n'a pas, dans son autorité, la capacité d'y aller. Certes, il y a un summum d'opposition dans l'homme que nous pouvons amener pour qu'il puisse entrer dans son verbe et être absolu dans les échanges qu'il veut avoir avec nous. Du moment que l'homme conteste dans son verbe et sa parole un événement et une opposition et qu'il sait qu'il ne vibre pas dans sa colère à de l'astral parce que sa colère sera jumelée à la haine qu'il a pour tout ce qui fait évoluer l'homme sur la planète Terre, il peut à ce moment inverser les lois d'énergie et établir que ses besoins réels doivent être respectés. Mais cela prend nécessairement énormément de temps. Ainsi donc, qu'est-ce que l'homme doit savoir lorsque les événements se passent dans sa vie et comment peut-il étudier la réalité qu'il donne à sa vie ou dans sa parole des valeurs psychologiques à ce qu'il vit et qu'il puisse en voir un jour dans son ego la réflexion qui provient de ses insécurités parce qu'il ne sait pas où il doit aller et quels sont réellement ses besoins réels. Il faut donc définir clairement qu'est-ce qu'un besoin réel. Un besoin réel, c'est ceci. Ça répond à aucune contrainte. C'est aussi la plus grande vibration dans la sensibilité de l'ego pour lui permettre d'établir que ce qu'il sait de lui-même ne peut pas être interchangé. Et troisièmement, ce besoin réel-là, c'est sa plus grande paix et sa plus grande liberté. Comment le sait-il que c'est sa plus grande paix et c'est sa plus grande liberté? C'est qu'il sait que l'astral, d'aucune façon, ne peut interférer dans le processus vibratoire de l'expression de sa beauté. Lorsque l'homme entre dans la beauté, il appartient à la plus grande richesse des infinités de sa propre vie. Il n'a plus à penser la vie parce qu'il la sait. Il n'a plus non plus à demander à savoir qu'est-ce qui se passe parce qu'il le sait systématiquement que ce qui se passe est fermement un degré de conscience vibratoire pour fusionner davantage à son immortalité. Naturellement, lorsque la lumière comprend que l'homme est un être mortel et qu'il doit passer à de l'immortalité, elle est obligée non pas de le contester dans ses besoins réels, mais de lui créer des pièces de théâtre qui le fait tellement chier mais qui lui servent aussi d'une autorité de conquête pour préciser dans une conscience de vie absolue sa plus grande des libertés. Et sa plus grande des libertés à l'homme, en tant qu'être incarné dans la matière, sera toujours l'immortalité de sa conscience afin de ne plus jamais être soumis à l'agenda de force astrale sur la Terre. Mais avant que cela se produisent avant que l'homme soit assuré de son immortalité, il y a un processus de fusion avec l'ego qui doit se créer entre lui, la lumière et l'esprit. Et lorsque l'esprit n'est plus capable d'éduquer l'homme, qui est-ce qui éduque de l'homme? C'est lui-même qui s'éduque des lois de la vie. Et c'est par cette éducation-là que l'homme peut transmettre et ériger sur la planète Terre quels sont réellement les besoins de l'homme pour ne plus avoir à subir dans un corps matériel la mortalité. Bien naturellement, cette immortalité-là dans la conscience de l'homme est la plus grande conquête de ses besoins réels parce que, se sachant libre de la forme, il pourra aussi se soustraire à toute opposition que la vie veut lui amener dans la matière. La perception psychologique d'une réalité n'amène jamais l'homme à transcender le mensonge qu'il vit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conquête de son esprit avec un besoin réel pour établir que la sensibilité de l'homme psychiquement en lien avec toute l'intelligence qui le fait naître au niveau atomique d'une conscience qui ne se pense pas, ne peut pas revenir aux forces de la lumière ou au double en lui. Cette force émane de sa contestation pour établir que la direction qu'il veut prendre dans sa vie et les chemins qu'il veut prendre dans sa vie doivent s'ouvrir à lui. Sinon, l'homme est toujours assujetti aux contraintes d'une vie programmée par l'invisible. Et la programmation de l'âme est naturellement très différente d'un programme de vie que l'homme se donne pour se créer de la liberté, car la programmation repose sur les lois de l'âme, alors que le programme de vie que l'homme se donne pour vivre sa vie repose sur des besoins réels. Et il repose aussi sur un verbe de contestation qui lui permet de transcender les formes de la matière avec une précision très grande, parce que nous savons tous que dans la matière, il y a trois centres d'énergie qui doivent être en équilibre. L'homme ne peut pas avoir une santé défaillante, il ne peut pas non plus ne pas avoir d'argent pour vivre ce qu'il a à vivre, et il ne peut pas non plus être isolé totalement. À ce jour, nous connaissons très bien les lois d'intégration et les lois aussi de constriction qui amènent l'homme à parfaire son chemin pour se déprogrammer éventuellement de sa programmation d'âme. Le chemin moins connu, c'est celui de comprendre comment son esprit doit devenir dans lui, non pas un objet de contestation, mais un objet de fusion qui, lié à son ego, ne lui permet plus de penser qu'il n'est pas ce qu'il est et que la lumière est systématiquement plus grande que lui. Si l'homme ne peut pas inverser cette réalité-là, il se produit à la longue une fatigue, une fatigue psychique et mentale qui ne respecte pas l'homme. Le programme de vie que l'homme va se donner est naturellement celui d'équilibrer sa santé, mais aussi, dans un réel absolu, vivre sa vie librement en ayant accès aussi aux sommes d'argent qu'il a besoin pour que ses besoins réels ne soient jamais dévalués à ses propres yeux. Cela ne fait pas de sens que l'homme soit toujours en quête d'opposition pour vivre sa liberté. Une fois que la liberté est établie, il doit y avoir des chemins qui s'ouvrent. Si les chemins ne s'ouvrent pas, c'est à ce moment donné que l'homme doit aussi comprendre que si le chemin ne s'ouvre pas pour sa liberté totale, il n'a pas non plus à penser que ces chemins seront fermés au cours du processus de ses prochaines vies. Cela peut bien être dans une prochaine vie. Mais comment l'homme peut-il savoir, à un certain moment donné dans sa vie, que s'il ne vit pas une réalité dans celle-ci, celle-ci sera pour lui incomplète? Il le sait parce que sa sensibilité et son besoin de définir sa liberté vont ensemble. Ces deux éléments ne se séparent pas, parce que quand l'homme voit que sa liberté est contrainte à des forces oppositionnelles, il est aussi dans la contestation que ces forces oppositionnelles-là doivent un jour cesser. Et c'est à ce moment que le discours qu'il peut avoir avec les forces de lumière n'est plus un échange où il quémande quelque chose, mais bien un échange où il dicte dans son verbe ce qui doit être. Est-ce que cela fait nécessairement de l'homme un homme libre du simple fait qu'il dit ce qu'il doit être et ce qu'il doit être respecté nécessairement? s'il n'y a pas d'émotion dans son mental et qu'il est capable de comprendre que sa programmation astrale en lien avec la compréhension de ce que voulait dire l'entité maîtresse en lui, l'entité maîtresse étant la réflexion de son ego pour que la lumière ne le pénètre pas totalement, cela veut dire que lorsque l'entité maîtresse est sortie de sa vie, l'homme ne peut plus se réfléchir lorsqu'il parle avec la lumière. Et l'entité maîtresse est une mémoire psychologique de l'ego très puissante qui, sur le plan de la mort et dans le mensonge cosmique, permet la réflexion dans l'homme. Mais lorsqu'il n'y a plus de réflexion, que reste-t-il dans le verbe de l'homme? Il reste ceci, son feu qui est jumelé à sa colère et à sa haine contre tout ce qu'on veut lui cacher. Le programme de vie de l'homme est simple. Une harmonisation totale de sa santé, une harmonisation totale des lois de l'argent pour lui permettre d'être libre en tout temps, et aussi des relations avec l'homme sincères, mais aussi d'une grande simplicité qui respecte en tout temps sa sensibilité, sa liberté, sa conscience et sa volonté d'être libre. Il est très difficile pour une personne qui est en évolution de conscience de comprendre que ceux qui vous manquent de respect lorsque vous êtes contraint à des oppositions et qui vous disent qu'il y a quelque chose de mieux qui se passera ou qui viendra, cela est abjectement pour l'homme conscient qui sait que la lumière crée des oppositions merdiques à l'homme, est une incompréhension de la personne qui se place devant elle pour lui glisser dans ce qu'elle croit voir, de la morale ou encore une réflexion psychologique. La vie ne doit jamais être plus grande que l'homme. Et ce n'est pas parce qu'il arrive quelque chose dans cette vie à l'homme que cela veut dire nécessairement que cela le définit. Il y a des formes de vie qui peuvent être interprétées par ceux, par les membres de votre entourage, et c'est ça qui fait le plus souffrir l'homme. Et c'est pour cela, à un moment donné, qu'il n'accepte plus dans son environnement des personnes qui ne sont pas capables de protéger sa conscience, non pas pour lui donner un statut d'autorité plus grand que ce qu'ils sont, mais pour établir que l'homme n'a pas à être discrédité d'aucune façon et d'être moralisé sur la réalité de ce qu'il est et de ce qu'il sait. Pour appartenir à une liberté absolue, l'homme voudra rencontrer des hommes qui sont dans cette même liberté absolue-là. Et si les individus ne sont pas capables d'être dans cette liberté-là, cela ne veut pas dire que cette liberté est moindre. Cette liberté sera aussi grande. Par contre, s'il ne peut pas avoir un havre de paix dans sa vie, parce qu'on l'isole davantage du fait que la lumière sait très bien qu'elle peut amener l'homme aussi loin dans sa conquête de son immortalité dans la matière, que lui aussi le sait que la lumière peut faire cela, et il y a alors dans l'homme cette construction progressive de sa psyché pour inverser sa mortalité. On n'inverse pas une mortalité par des besoins psychologiques, on inverse une mortalité par une conquête des lois de la liberté de l'homme matériel dans le futur. Car qu'est-ce que cela donnerait à la lumière si c'était eux qui décidaient de la liberté de l'homme dans la matière? Cela voudrait dire simplement que son immortalité à l'homme serait réduite à ceci, c'est qu'il serait toujours obligé d'écouter la lumière et de prendre des notes pour établir que ce qu'il dit n'est pas réel. Qu'est-ce que être réel pour la lumière? L'être réel pour la lumière est ceci, c'est celui qui est capable de voir. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit que les lois de l'évolution et de l'involution ont été commandées sur le dos de sa conscience pour le faire vivre dans la matière l'immortalité. Pourquoi est-il si important que l'homme se conduise dans la matière à l'immortalité? Car cela représente la fusion absolue de sa lumière avec l'atome d'une cellule jupitérienne en lui, pouvant le mener dans les infinités des lois cosmiques de l'intelligence. Quelles sont les lois cosmiques de l'intelligence pour la lumière? C'est qu'il n'y a rien qui peut arrêter une forme et un besoin réel lorsque celui-ci est propulsé par le feu. Que ce feu soit propulsé par le Verbe de l'homme, cela doit se réaliser. Cela crée le chemin et crée l'espace continu de la créativité pour ne plus jamais soustraire la forme à une vibration plus basse que ce que l'homme voit. C'est donc dire que lorsque l'homme voit un besoin réel, cette vibration de ce besoin réel-là est pour l'homme sa plus grande liberté et aussi sa plus grande capacité de générer pour sa propre vie de la liberté. Il est donc toujours bien dans sa peau, dans cette liberté-là, parce qu'elle l'amène à augmenter le taux vibratoire de sa conscience pour émettre sur la forme de la lumière. Et quand l'homme émet sur la forme de la lumière, on ne peut plus d'aucune manière réduire le taux vibratoire de l'atome qui le constitue dans sa conscience, parce que le monde de l'astral ne peut plus jamais le rejoindre et l'atteindre. Une pensée, c'est une vibration, mais une vibration, c'est aussi une création. Une pensée astrale a pour but de faire réfléchir l'ego. Elle l'amène automatiquement à reproduire dans sa conscience des schémas de son passé qui, psychologiquement, le rendent davantage prisonnier de son passé. Lorsque l'homme est dans une conscience libre et qu'il sait que la pensée peut créer chez lui de l'ambivalence, il est systématiquement amené par vibration à la contester, cette pensée-là. Le chemin qu'il se donne alors dans la contestation, c'est de savoir s'il y a de la crainte dans son mental lorsqu'il conteste une réalité. Sa perception vibratoire lui donne la capacité de voir derrière une forme. Si, supposons, on vous retire par un événement quelque chose qui, dans votre vibration, est pour vous un bien dans votre peau, l'homme, dans son ego, ne restera pas assis. Les réponses qu'il entend arracher pour inverser toute polarité qui pourrait se créer en lui le ramèneront toujours à établir ses besoins réels et à les dire. Certes, dans la matière, l'homme est assujetti à beaucoup de contraintes et son immortalité ne peut pas venir du jour au lendemain parce que cela voudrait dire qu'il pourrait créer dans la matière des corridors d'énergie très, très grands et le temps n'est pas encore venu sur la Terre pour que l'homme puisse faire cela. Ce temps vient, mais il est encore trop tôt pour l'homme de pouvoir réussir cela. Pourquoi est-il trop tôt? Voici ce que les forces de la lumière disent. Nous ne croyons pas que l'homme peut, dans ses besoins réels, appartenir pour le moment à de l'immortalité dans la matière, car cela engendrerait énormément de confusion au niveau de la capacité de l'homme à interpeller l'invisible puissamment. Qu'est-ce que vous voulez dire par cela? C'est que l'involution doit être maîtrisée par l'homme. Et s'il est dans son immortalité, il peut se sortir de sa capacité vibratoire à arracher les lois d'une liberté totale pour inverser l'involution et assurer que les lois d'évolution qui viendront dans le futur appartiennent à une légalité absolue. C'est-à-dire que la légalisation des lois de la vie par l'homme pour établir la courbe évolutive de l'homme jupitérien sur la Terre est dans une dimension cosmique associée à de l'immortalité. Peut-il passer de la 5e race racine à la 6e race racine rapidement? Non, car l'homme doit nettoyer ses craintes et il doit aussi apprendre à parler comme il faut dans son verbe. Mais lorsqu'il apprend à parler comme il faut dans son verbe, il se rapproche davantage de la 7e race racine. Et cette 7e race racine-là est la totale inversion des lois d'involution parce que l'homme est dans l'évolution. Autrement dit, on ne peut pas donner à l'homme des lois d'énergie trop rapidement pour qu'il puisse conquérir une immortalité qui serait fictive. Il y a beaucoup de spiritualité dans l'homme qui sont associées aux lois d'énergie. Et comment peut-on savoir que l'homme, dans une loi d'énergie, n'a aucune spiritualité dans sa conscience? C'est parce que son verbe est la ligne directrice de l'énergie qu'il côtoie. Il prend son verbe et ce qu'il dit ne change pas nécessairement la forme parce que l'homme n'a pas encore accès, par exemple, à la capacité de se guérir de ses maladies, même s'il le croit. Car pour se guérir de ses maladies, l'homme doit avoir accès aux plus hautes tonalités des énergies de l'atome et cela, il n'y a pas accès tant qu'il n'est pas jupitérien. Jupitérien voudra dire donc qu'il est immortel. Absolument. Et tant que l'homme n'est pas immortel, il y a une spiritualité en lui qui l'amène à penser ceci, alors que le scénario est contraire. Il y a beaucoup de gens qui sont confrontés avec la maladie sans savoir que la maladie n'est pas simplement une opposition qui doit les amener à la contester, cette maladie-là, mais aussi une opposition qui est voulue pour empêcher l'individu de se réfléchir dans son verbe et de penser qu'il a l'affaire. Il y a énormément, la plupart du temps, la maladie que l'homme conscient peut vivre est beaucoup plus associée à l'épuration de son mental pour s'assurer que son immortalité se fasse un jour sur les plans de la lumière. Car si ces plans de la lumière-là, où son immortalité se faisait dans la matière, dans la maladie, et que celui-ci s'en guérissait, il y aura une problématique constante pour la lumière qui est celle-ci. On ne pourrait plus se permettre d'éduquer l'homme. Il serait trop orgueilleux dans son mental et il ne serait pas capable d'absorber la lumière, de se créer lui-même. Dans sa vie, même s'il a la maladie, l'espace nécessaire pour contester ce qu'il vit dans un besoin absolu de reconnaissance. Et cette reconnaissance-là est importante, car la perception vibratoire de l'homme avec son verbe, sa liberté et sa parole est un seul prisme d'intelligence qui lui confère une infinité de créations sur ce qu'il dira plus tard. Parce que lorsque l'homme vit dans sa conscience la ligne directrice d'établir que la liberté de l'homme n'est pas une loi involutive qui doit être gérée par les forces de la lumière, mais que cette liberté-là de l'homme doit devenir un jour la force d'évolution d'une transcendance absolue qui ne propose en aucun temps une opposition pouvant le contraindre à un besoin qui n'est pas réel, mais à une dictée vibratoire de compréhension que tout ce qui se vit dans la matière doit être un jour amendé, car c'est l'homme qui le contestera, cette courbe évolutive-là. L'homme peut-il être absolu dans son verbe? Absolument. Je vais demander aux forces de la lumière, quelle est la nécessité pour elles, ces forces de lumière, de faire descendre dans l'ego une liberté absolue? Et voici ce qu'ils disent. Nous sommes très conscients de la force vibratoire de l'homme sur la Terre et que cette force vibratoire-là est une création totale et universelle d'une liberté qui doit être expliquée et qui sera expliquée également, non pas simplement sur la Terre, mais dans d'autres espaces-temps. Car tout ce qui a été créé dans les univers parallèles a été aussi un jour assujetti à des lois évolutives. Et ces lois évolutives-là ne peuvent pas être transcendées d'aucune façon en donnant à l'homme des lois d'énergie qu'il ne conteste pas lui-même. Nous comprenons que l'homme doit contester lui-même les lois d'énergie qu'il veut créer et les lois d'évolution que lui veut se donner. C'est lui qui doit les contester et c'est lui qui doit, dans ses besoins réels aussi, nous communiquer dans une très grande transparence le pourquoi de cette liberté qu'il arrache. Nous ne donnons rien à l'homme. C'est l'homme qui arrache tout. Mais nous comprenons que l'homme, quand il arrache, est aussi dans un droit absolu de savoir et d'intelligence. Et c'est à ce moment-là que nous respectons l'homme. Nous avons toujours respecté l'homme, même si parfois il pensait qu'on ne le respecte pas. La ligne entre la domination et le respect, entre l'habitation de l'homme de sa lumière et la cohabitation de l'homme de sa liberté dans la matière, est une seule courbe évolutive pour la lumière. Soit que cette courbe évolutive-là est amenée à un apex d'énergie si puissant que l'homme et la lumière s'entendent sur la vibration de ce qui est amené. Il y a toujours eu entre l'homme et la lumière un partage de reconnaissance. Ce partage-là est beaucoup moins grand entre les hommes parce que plusieurs ont encore de l'âme et vivent encore des insécurités en lien avec l'infinité de la vie. Et ils ne comprennent pas nécessairement quel est le chemin que l'homme doit suivre pour être dans une liberté totale face à nous. Mais pour que l'homme soit dans une liberté totale face à nous, cela ne veut pas dire qu'il doit connaître nécessairement les lois de l'immortalité dans la matière, mais il doit se dresser dans sa conscience comme étant immortel en intelligence. Et lorsque l'homme est immortel en intelligence, il est assuré pour nous la lumière ou les forces de la lumière qu'il n'est plus astralisable. Il peut voler de ses propres ailes et aussi écrire sur les murs des civilisations venir les lois d'intelligence que l'homme est obligé de respecter et des lois aussi d'épuration et d'ajustement que l'homme est obligé de passer à travers avant de vivre vraiment l'immortalité de sa conscience sur la terre. Ne crée pas de la lumière qui veut, mais qui peut. Comment l'homme peut-il se créer de la lumière dans sa conscience? Cette lumière se crée à partir de la certitude que ses besoins réels sont ceux qui, pour lui, répondent le mieux à sa sensibilité et au bien dans sa peau. La lumière ne pourra jamais dire à l'homme quel est le bien dans sa peau. Le jour qu'elle le fera, cela voudrait dire qu'elle lui manquera de respect. Et comme dit précédemment, la lumière ne manque pas de respect à l'homme, mais elle le pousse lui-même sur les lois évolutives de sa conscience pour que l'évolution de sa propre conscience devienne ses propres lois. Pour dicter à la lumière ses propres lois, l'homme doit connaître ses besoins réels. Sa perception vibratoire de tout ce qu'il vit ne peut pas être soumise à une perception psychologique. Ce n'est pas parce que vous ne travaillez pas ou que vous n'avez pas d'argent dans votre compte en banque que vous pouvez dire ensuite à la lumière que vous n'êtes pas libre. Vous devez être libre malgré cela. Et ensuite, dans les besoins réels de votre conscience, pour ce que vous voulez faire avec votre sensibilité, afin de la manifester et afin de créer pour vous, dans votre propre conscience, un plus grand bien-être dans votre peau, et des lois d'évolution que vous voulez transmettre à l'homme, il y a nécessairement dans ce passage de création pour l'homme des besoins de vie. Et ces besoins de vie dans la matière sont très grands, soit que la liberté qu'il doit avoir ne peut pas être moindre que ce qu'il est dans l'expression de son verbe. Le verbe est la voyance que l'homme a de lui-même. Il a toujours été su par la lumière que lorsque l'homme parle et dit quelque chose, que s'il y a de la réflexion dans ce qu'il dit, il y a automatiquement aussi de l'astral. Et l'astral, c'est quoi? C'est la vie de l'âme qui parle à travers lui. Et lorsque la vie de l'âme parle à travers lui, il y a toujours une souffrance qui n'a pas été conquérie dans l'homme. Et les souffrances n'équivalent jamais à des besoins réels. La perception psychologique qu'un ego peut avoir de lui-même ne sera jamais ou suffisamment grande pour l'amener à être libre. La voyance de ce que l'homme est dans sa sensibilité n'est pas simplement une perception vibratoire, parce que la perception vibratoire est ce qui amène la personne à contester ce qu'il vit et à étudier avec l'invisible ce qu'il vit. Alors que la voyance vibratoire ou la voyance psychique de l'être en lien avec sa sensibilité est un besoin réel qu'il sait réel. Et le sachant réel, il est dans ce verbe qu'il exprime pour établir les contours des besoins qui le rendront bien dans sa peau, celui qui parle. Il n'y a pas personne qui peut parler à sa place, même pas le double, même pas la lumière, parce qu'il est celui qui parle. Et un jour, l'homme doit parler et doit dire ce qu'il a à dire. La voyance a pour mesure de transparence ceci, la certitude que l'homme ne se trompe pas, la volonté que l'homme ne se trompe pas et l'intelligence que l'homme ne se trompe pas parce qu'il sait ce qu'il est. Et sachant ce qu'il est, il n'y a personne qui peut le soustraire ou lui dire ce qu'il est. Vibratoirement, est-ce que l'homme a le droit à une liberté universelle sur la Terre? Certainement. Est-ce qu'il doit aussi être libre dans sa vie de la maladie, de l'argent et de ses relations amoureuses? Nécessairement. Il doit fusionner avec la conquête de sa liberté qui est celle de savoir qu'il n'y a rien qui puisse le contraindre à penser qu'il est petit. Qu'il soit malade, qu'il n'ait pas d'argent dans sa vie ou qu'il n'ait pas en relation intime avec une personne ou des amis, que cela n'est pas réellement une totale expression de ce qu'il est. Toutefois, dans l'établissement d'une conquête de liberté absolue, l'homme veut que ces trois pôles gravitent autour de sa vie parce qu'il sait très bien qu'il est bien dans sa peau au centre de ces trois principes. Il est très difficile, ou il sera très difficile pour la lumière de dire que l'homme ne peut pas être libre dans ces trois principes, parce que le besoin réel de sa vie, avant même d'être immortel, se situe quand même dans la matière. Et puisque l'homme est dans un corps matériel, il y a trois pôles significatifs qui doivent être totalement intégrés par sa conscience et être vécus dans sa conscience, parce que cela est une extension de sa sensibilité. On ne peut pas toujours lui créer des oppositions et lui casser les pieds, mais on peut lui casser les pieds s'il n'est pas ajusté. Et comment l'homme sait-il s'il n'est pas ajusté? Il n'est pas capable d'entrer dans une perception vibratoire de ce qui lui arrive et que cela crée dans sa conscience de la souffrance. Il ne peut pas contester sur le tas ce qu'il vit. Et en ne contestant pas sur le tas ce qu'il vit, il est obligé de vivre la forme, et celle-ci doit aussi prendre racine dans son mental afin que l'ego puisse s'ajuster à la forme. Mais lorsque l'homme est dans son verbe totalement ajusté à une réalité, il la conteste et il la fait sauter automatiquement parce qu'il se passe dans sa conscience l'établissement du besoin réel que lui établit. Sans cela, l'homme sera toujours soumis à des oppositions et il ne pourra jamais dans le verbe ou dans le feu absolu, établir que la courbe évolutive de la planète Terre, en lien avec la liberté de l'homme, doit lui appartenir totalement. Certes, l'évolution ou l'évolution des âmes sur la Terre ne lui appartient pas. Cette autorité d'évolution appartient à la lumière encore pour le moment, parce que l'homme ne peut pas exiger de la lumière qu'elle lui cède totalement la place pour le moment. Les forces de la noirceur sont beaucoup trop grandes sur la Terre, et l'homme ne peut pas rivaliser avec de si grandes forces. Sa perception vibratoire de reconnaître que la lumière doit laisser encore les forces d'évolution sur la Terre opérer pour que le nettoyage se fasse à grande échelle est incontournable. Le besoin réel de l'homme est individuellement celui de prendre soin de lui et non de penser qu'il doit prendre soin de la planète Terre. L'homme n'est pas encore arrivé à de l'immortalité, et même s'il était immortel, les forces de la noirceur seraient trop grandes pour sa propre conscience. La lumière sait très bien où les forces de la lumière sur les hauts plans invisibles sont déjà dans des grands combats pour s'assurer que des initiés qui sont présentement sur la Terre arrivent eux-mêmes à contester dans un verbe absolu l'involution. Parce que le mensonge cosmique ne peut pas être retiré de la Terre, il doit être dévoilé par l'homme et traversé par l'homme pour qu'il soit un jour immortel. Qu'est-ce que le mensonge cosmique? Mais ce sont toutes les lois involutives qui sont associées à une âme pour amener l'homme dans le processus d'inversion des lois involutives de son incarnation. C'est-à-dire que l'homme, un jour, n'a plus à s'incarner sur la Terre. Il viendra de la lumière en connaissant les lois de la lumière. Les âmes sur le plan de la mort seront élevées à un taux vibratoire qui devra être si appointé pour qu'ils ne puissent pas, dans leur descente de leur vie matérielle, devenir une source de polarisation. Ils devront reconnaître les âmes futures qui s'incarneront que s'ils ne connaissent pas le retour à la lumière, ils ne peuvent pas revenir sur la Terre. Et c'est pour cela qu'il y a des initiés, pour créer les bases vibratoires de cette lumière à venir sur la Terre. La conquête de l'homme se situe donc dans sa perception vibratoire des réalités qu'on lui fait vivre et non dans la perception psychologique que la lumière ne sait pas ce qu'elle fait. La lumière a toujours su ce qu'elle fait. Vibratoirement, l'homme peut percevoir cela, que la lumière sait toujours ce qu'elle fait. La nuance étant celle-ci, que la lumière n'a pas non plus l'autorité absolue sur la liberté de l'homme. Et c'est là que l'homme doit se grandir et savoir comment il peut parler à la lumière et ce qu'il peut dire pour que tout ce qu'il dit ne devienne pas contre lui une forme d'initiation. Si l'homme est dans son verbe, et que ce qu'il dit est vibratoire, il sera très bien dans sa peau par la suite, parce qu'il saura qu'il aura conversé avec la lumière dans un discours libre qui ne leur demande pas d'être en total accord avec ce qu'il dit, mais que l'étude de ce qu'ils font et de ce qu'il sait doit lui permettre une voyance sur sa vie qui l'amène aussi à puissamment voir que la lumière le respecte. Mais encore plus important, que la lumière a toujours respecté l'homme, et cela, l'homme doit le savoir. Mais sa voyance dans l'homme doit aussi l'amener à pouvoir créer des ouvertures dans sa vie et que le temps de la lumière avec cette voyance-là corresponde totalement. Par exemple, si l'homme dit que son besoin est réel et qu'il doit, dans un mois ou deux mois, voir celui-ci rencontré, ce besoin réel-là n'a pas à être rencontré dans 3 ans. Autrement dit, l'homme doit pouvoir faire descendre ce qui est en haut en bas. Il ne peut plus attendre que les événements se placent devant lui parce qu'on lui dira par la suite qu'il n'est pas encore assez ajusté en lien avec ce qu'il veut faire. Est-ce que le temps est une problématique pour l'homme? Souvent, il est une problématique pour l'homme. Pourquoi cela? Parce que l'homme conteste des besoins réels qui ne sont pas totalement ajustés au temps. Qu'est-ce que vous voulez dire par cela? Cela veut dire que le temps d'une réalité est aussi inscrit dans la voyance d'une conscience parce que l'homme doit avoir une très grande vigilance que ce qu'il sait est aussi ce qu'il voit de lui-même. Et ce qu'il voit de lui-même a toujours un temps de réalisation. Il peut s'amener à voir ce temps de réalisation-là dans la neutralité qu'il a avec le temps. C'est-à-dire, s'il compose avec la valeur du temps d'une façon totalement neutre, il est, dans sa conscience, capable de vivre son bien dans sa peau et toujours savoir que le besoin réel et le temps sont aussi interreliés à une descente dans sa vie de liberté absolue. Et comme la lumière sait très bien qu'une liberté absolue ne peut que se vivre que lorsque l'homme est intégral dans son verbe, il faut nécessairement que l'homme ait parlé avec la lumière pour savoir si ce qu'il dit est intégral en tant que liberté. Et c'est à ce moment que ce qu'il vit et que ce qu'il sait ne font qu'un. Il ne se réfléchit plus, il n'appartient plus à la perception psychologique d'un événement, mais il appartient à la perception vibratoire que ce qu'on peut lui enlever n'est que temporaire ou n'est qu'une forme illusoire. La lumière n'est pas en totale opposition avec l'homme. La lumière est en totale fusion avec l'homme. Et c'est pour cela que l'homme est obligé d'accepter que le temps venu pour que la lumière ouvre les portes n'est pas plus grande que ce que l'homme a besoin, mais est dictée par des lois très précises d'évolution et de conquête pour l'homme en lien avec l'explosion future de sa liberté. Qu'est-ce que vous voulez dire par cela? Que l'homme ne doit plus avoir de crainte. Et lorsque l'homme n'a plus de crainte, il est définitivement immortel dans sa conscience, son intelligence et son universalité pour établir sa liberté à laquelle il a droit et à laquelle il pourra par la suite inscrire dans la matière et dicter des lois de vie qui seront pour les hommes à venir sans mensonge. Cela veut dire qu'il a traversé le mensonge cosmique. Cela veut dire qu'il s'est traversé. Et lorsqu'il s'est traversé, l'homme n'a plus de crainte. Il est donc dans sa conscience immortelle, même s'il ne vit pas l'immortalité des lois d'énergie en lien avec son corps matériel. Mais il peut être immortel dans sa conscience. Et il est aussi immortel dans sa liberté.